Question 1. À partir des panneaux, il est interdit de dépasser. Une motocyclette? Réponse A. Une moto avec sidecar? Réponse B. Une voiture de tourisme? Réponse C. Un camion? Réponse D.